Auprès de la rivière, le saule a ses racines, ses branches en prière s'élancent de sa cime, se ploient au gré du vent, se courent au gré du temps, et l'homme en fait autant, le vieillard et l'enfant. Et coule l'eau sous tous les ponts, les mondes voguent les bateaux, puisque la terre est ronde. Et si courtes sont les secondes. Assoupit auprès de la rivière, garde toujours en lui son rêve centenaire. Les oiseaux de passage nichant dans son feuillage ne savent pas son âge, sans doute est-ce un vieux mage. Et les nuages filent vers l'horizon, et la terre en partage nous donne ses moissons. Et la vie donne le frisson. Auprès de la rivière, ce n'est que d'être un saule aux branches en prière, plongeant racine en terre pour un siècle éphémère, et se couvrant de lierre comme on revêt d'un suaire. La chair des hommes d'où s'est enfui la sève, qui toujours s'étonne de la fin de leur rêve. Quand soudain la brume se lève, et la rivière emmène loin rêves et prières. Charrie souveraine jusqu'aux rêves des pierres, qu'ils soient d'or ou de fer, ils roulent dans le flot, qu'ils soient d'ombre ou de chair, qu'ils soient laid, qu'ils soient beaux. Et la lumière prise au piège de l'eau brûle comme un mystère, que le vieux saule est beau, rêvant debout au bord de